Quel commentaire peut-on en faire à votre niveau pour ça? J'ai écouté avec une très grande satisfaction ce que Monsieur le ministre Don Melo vient de dire. Ça m'a d'autant plus que nous écoutons un ingénieur qui sait de quoi il parle. Ça m'a plu parce que c'est quelqu'un qui a une longue expérience dans le domaine. Et permettez-moi de donner deux ou trois commentaires là-dessus. Le premier commentaire et les mots que Monsieur le ministre a utilisés sont importants. Et je ne sais pas si vos téléspectateurs ont tous pris la profondeur de ces mots. Il a d'abord fait la distinction entre l'alliance des BRICS et les BRICS eux-mêmes. C'est important. Et ça veut dire que l'alliance des BRICS peut agir dans des pays qui ne sont pas BRICS. Et ça doit ouvrir les oreilles à tous les dirigeants africains. La Centrafrique n'est pas un pays BRICS. Mais déjà, regardez en un mouvement, en une action, ce que l'on peut réaliser. Et je voudrais que tous les dirigeants africains, vraiment, il faudrait repasser ce que le ministre vient de dire, pour que tous les dirigeants africains, de quelque pays qu'ils soient, écoutent et voient le potentiel qu'ils peuvent avoir dans la coopération avec les BRICS. C'est pour ça que je disais que pour moi, encore une fois, je ne suis ni anti-américain, ni anti-français, ni anti-G7. Moi, je considère seulement que 3 siècles de coopération nous ont menés là où nous savons. Ce n'est plus la peine de perdre du temps avec ces gens. Les BRICS viennent avec quelque chose de concret. Et en l'espace de 2 minutes, regardez la masse d'informations que nous avons eues sur des projets de très grande ampleur qui vont changer, s'ils sont réalisés, la nature et la structure de l'économie de Centrafrique pour de bon et définitivement. Alors, la question qu'on peut se poser, le pays qui exploitait la Centrafrique depuis des siècles, le pays qui a martyrisé la Centrafrique, le pays qui a massacré les femmes de Centrafrique, parce que ça, vous ne le savez pas, le pays qui a créé des camps d'otages en Afrique, en Centrafrique, le pays qui portait les dirigeants centrafricains dans un avion à Paris pour venir les déposer à Bangui, pensez-vous qu'il ne connaissait, ce pays ne savait pas qu'il y avait tout ce potentiel en Centrafrique? Pensez-vous que ce pays était incapable de réaliser? Vous êtes en face de quelque chose d'inédit. Si les projets que le ministre a annoncés sont réalisés, je dis bien si, c'est une révolution. La Centrafrique entre dans l'univers des hautes technologies. Le président centrafricain, il est docteur en mathématiques. Donc il sait de quoi il parle. Et nous avons là en face la possibilité, les gens se moquent de la Centrafrique. La Centrafrique, voici les BRICS qui donnent l'occasion à la Centrafrique d'entrer. Pas dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, dans le domaine des hautes technologies. C'est inouï, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela représente. Et l'autre jour, j'ai lu l'information selon laquelle le pays qui se croit le plus puissant du monde est venu dire, écoutez, aux Centrafricains, faites partir les Russes, faites partir les Wagner, et on va faire tout ce qu'il y a pour votre armée. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Je crois que les dirigeants centrafricains ont fait le bon choix et je remercie le travail de Monsieur le ministre avec l'Alliance des BRICS qui sont là en train d'apporter la preuve concrète qu'en moins d'une décennie, on peut entrer dans le domaine des hautes technologies. Et quand vous y entrez, c'est définitif. Et à cet égard, je vais vous raconter une anecdote, par exemple, entre la compétition qu'il y a actuellement entre la Chine et les États-Unis dans le domaine spatial. Il y avait donc, je crois, il y a 5 ou 6 ans, la Station spatiale internationale. Les Chinois ont demandé à entrer pour travailler dans cette Station spatiale internationale. Les États-Unis d'Amérique s'y sont complètement opposés. Ils ont refusé l'accès aux Chinois. Les Chinois ont dit très bien. Et ils se sont retournés vers eux et ils ont multiplié les talents chinois. Et maintenant, ils ont construit leur propre station spatiale, ils sont indépendants, et ils sont même arrivés sur la face cachée de Lune, là où personne n'est encore arrivé. Et ce qui montre que vous pouvez, avec la volonté, entrer, former les gens, parce que tout commence par la formation des gens, Vous pouvez, et là je remercie encore, si j'ai bien compris le projet, c'est que le projet est centré sur la formation des Centrafricains. Et j'ai noté quelque part, le ministre a parlé des experts centrafricains. Ce ne sont pas les experts russes, bien sûr. Au début, il faudra former les gens. Mais après, la cohorte des formateurs, la cohorte de l'expertise qui vient dire merci aux Russes, merci aux Indiens, merci, je ne sais pas, aux Chinois, vous nous avez aidés, mais maintenant, nous avons formé les nôtres. Dans les 10 prochaines années, et définitivement, nous aurons toute la technologie spatiale ici, l'industrie spatiale qui aura, et cela faisant boule de neige, les autres scientifiques et les ingénieurs centrafricains viendront s'agreffer, et c'est comme ça qu'on a le développement économique. Singapour n'a pas fait autrement, Taïwan n'a pas fait autrement, les Africains ne sont pas plus bêtes que les autres. Ça, c'est le premier point. J'ai un deuxième point, et là, de nature crucial, vraiment, ce que le ministre a dit, c'est une leçon. Et voyez la différence avec les projets du FMI et de la Banque mondiale. Voyez même la différence d'état d'esprit. Encore une fois, je viens d'apprendre ce projet, il y a quelques minutes, je ne savais pas, mais de ce que j'ai entendu, parce qu'il ne faut pas non plus jeter trop de fleurs, mais de la description que j'ai entendue, et il n'y a pas de raison que je ne croie pas ce que le ministre a dit, mais structurellement, le projet est pensé différemment que tout ce que la Banque mondiale, le FMI, la BAD et tout ça nous ont apporté depuis 50 ans et qui nous ont mis là où nous sommes. Regardez bien comment on est en train de mettre en avant d'abord la ressource humaine, et sur ça je vais vous dire un mot si vous me permettez après, sur le problème qu'il y a entre le Cameroun et le Tchad à propos de Savannah et des histoires d'escroquerie sur le pipeline, le projet de pipeline. Et donc, vous voyez que ces projets, c'est pas un, il y a divers projets qui vont de l'espace au nucléaire, donc, tous sur des domaines importants, et qui sont différents de tout ce que, par leur conception même, de ce que les projets de la Banque mondiale, ou la BAD, les FMI nous ont apporté. Donc ça, c'est une deuxième chose de part complètement différente. Et peut-être que le ministre n'en a pas parlé, et je vois en arrière-plan la nouvelle banque de développement. Je vois en arrière-plan la nouvelle banque de développement, et je vous invite, et aujourd'hui nous avons la chance avec Internet que l'information est disponible. Le 12 avril dernier, le président Lula da Silva a installé à Shanghai le siège de la nouvelle banque de développement, Madame Dilma Rousseff qui est la nouvelle présidente. Je vous invite à écouter ce que le président Lula a dit à cette réunion qui nous concerne directement. Et ça nous ramène à la question de la monnaie. Il disait, je rêve, je me demande pourquoi nous devons tous échanger en dollars. Je me demande pourquoi, qui a décidé cela? Pourquoi est-ce que des échanges entre la Centrafrique et la Russie devraient se faire en dollars? Pourquoi des échanges entre la Centrafrique et l'Inde devraient se faire en dollars? Si maintenant, avec les projets qu'on nous a décrits, les projets seront financés non plus par le dollar, mais par les monnaies qui seront des pays impliqués, regardez le saut qualitatif que ça représente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'inouï. La Banque mondiale ne vous proposera jamais, jamais quelque chose de cette nature. La Banque mondiale, le FMI, ne vous proposeront jamais cela. Et la Banque mondiale et le FMI seront là toujours pour vous enfoncer en inventant des conditionnalités qui n'ont aucune valeur, mais qui vont vous faire perdre le contrôle de tout, et même le peu que vous avez, vous le perdrez, comme ils nous ont fait perdre avec leurs idioties de privatisation, même le peu que l'économie nationale contrôlait encore, y compris dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, et qui était encore dans les mains de l'État, sous des fumisteries de privatisation. On a tout perdu. Aujourd'hui, je vois qu'au Cameroun, l'électricité, on nous dit que ça remonte, mais on a perdu 20 ans pour rien, où on a donné l'outil national à des aventuriers financiers extérieurs qui se sont enrichis sur le dos des Camerounais et des Africains et des Ivoiriens. D'ailleurs, je vois aujourd'hui l'actuel gouverneur de la BCAO qui était ministre de la privatisation en Côte d'Ivoire. Monsieur le gouverneur, je voudrais qu'avant même d'être gouverneur de la Banque centrale, que vous veniez nous donner le bilan de votre action en tant que saboteur de l'économie ivoirienne qui a livré des joyaux de l'économie ivoirienne à l'étranger, à des forces étrangères. Enfin, je ne voudrais pas parler de moi, mais sur cette histoire, et c'est pour ça que j'écoutais vraiment avec beaucoup d'attention ce que monsieur le ministre a dit. Parce que moi, j'ai été à l'origine, très modestement, du projet du pipeline Tchad-Cameroun. Quand j'entends ce qui se passe aujourd'hui, j'ai des larmes aux yeux. Parce que j'avais prévu tout cela dès le début. Le président de la Banque mondiale, j'ai rencontré le président de la Banque mondiale au début de ces, avant même qu'on ne commence. J'avais écrit un mémorandum. Le président de la Banque mondiale qui s'appelait James Wolfenson, qui est venu à Paris autour de novembre, vers la fin des années 99, vers la fin de, en 1999 ou quelque chose comme ça, et qui m'a reçu. Je lui ai présenté mon mémo de plusieurs pages, 50 à 60 pages, où j'avais dit que si vous lancez le projet dans la direction que vous lancez, cela ne bénéficiera ni au Cameroun, ni au Tchad. Et figurez-vous, ce sera une catastrophe à tout prix. Alors, les Américains sont ce qu'ils sont. Ils ne me connaissaient pas, ce monsieur, mais il a pris le temps de m'écouter, bien que président de la Banque centrale. Il m'a invité à Washington. Je croyais qu'il s'amusait. Je suis allé à Washington pendant deux après-midi. En début de l'année 2000, j'ai eu à discuter avec des responsables sur ce sujet. Encore une fois, le projet n'avait même pas commencé. Le projet n'avait pas commencé. Mais moi, j'avais déjà mené des études scientifiques, j'avais étudié des études financières et j'ai un background d'ingénieur. Et j'avais des études d'ingénieur aussi. Et j'avais dit ce qu'il fallait faire et je proposais une collaboration entre le Tchad et le Cameroun, un peu à l'image de la communauté de l'acier et du charbon, qui pouvait être un noyau sur la coopération entre ces deux pays pour que ils aient le contrôle. Mais figurez-vous, et c'est là, et pour moi, c'était ce projet est le dernier projet qui m'a dit, c'est ça, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour moi que la Banque mondiale et le FMI, ce sont des organisations voyous. Ce sont des organisations et il faudra un jour faire le procès de ces organisations. Alors, sur ce projet, pendant deux jours, il y avait les vice-présidents de la Banque mondiale dans leur siège à Washington où j'y étais. Ils m'ont reçu à la demande du président Wolfenson et j'ai présenté mon projet. Ils les ont, si vous pouvez aller dans leurs archives, ils ont vu. Ils n'ont pas pu me coincer sur un seul point. Et je leur ai dit, franchement, vous menez ce pays dans le chaos. Les deux pays combinés, écoutez-moi bien, n'avaient pas plus de 3% du projet. Ils ne contrôlaient pas plus de 3% du projet sur une richesse qui est sous votre pied. Et aujourd'hui, quand je vois tout le monde qui fait des bruits, le savane, machin, j'ai des larmes qui me coulent des yeux parce que toute la catastrophe que je vois aujourd'hui était prévisible. Et alors, la propagande à l'époque, et si vous allez lire les documents de la Banque mondiale de l'époque, c'était de dire, oh non, écoutez, vraiment, nous avons retenu les leçons de tous les échecs des projets. Vraiment, le Tchad est le pays très, très pauvre. Ça, ce sera un projet modèle. Le Tchad, ça sortira le Tchad de la pauvreté. Ce sera un projet magnifique. Et vraiment, ne vous inquiétez pas, monsieur. Mais je vous ai dit, mais j'ai passé deux après-midi avec vous. Avec mon étude et vous, personne, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Je n'ai pas le temps de préciser ici. Le moment viendra où j'expliquerai aux deux populations ce qu'il faudrait faire. Mais je voudrais conclure. Voilà, allons-y à l'essentiel. Je voudrais conclure en disant vraiment ce que monsieur le ministre vient de dire est important. C'est vraiment inédit, c'est même un scoop. Je voudrais, dans la mesure où ça va se réaliser, que tous les autres pays africains en prennent le sang. Tout à fait. Et le fait d'avoir le BRICS et d'avoir cette possibilité, même quand on n'est pas encore membre de BRICS, de pouvoir avancer sur des projets économiques concrets comme cela, c'est vraiment la direction qu'il faut faire. Je souhaite que ça réussisse. On ne peut préjuger de rien. Je souhaite que ça réussisse, mais d'après ce que je viens de comprendre, il y a toutes les chances de réussite. D'accord. Et il ne faut pas dévier là-dessus. Il faut continuer sur cette voie. et réaliser ce que l'on fait en sachant que malheureusement la Centrafrique ne devrait pas s'y miser. Moi, je serai le gouvernement camerounais. J'essaierai tout de suite de vouloir m'associer à quelque chose comme ça. Il ne faudrait pas parce que ça doit être des projets aussi intégrateurs. Nous devons, en même temps qu'on réalise des projets, toujours penser à l'idée de l'intégration. Et les pays qui entourent la Centrafrique devraient s'associer pour pouvoir s'engager dans des projets de nouvelles technologies comme c'est le cas. Vraiment, monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce que vous avez dit ne sont pas seulement des mots. Parce que je m'enthousiasme un peu pour cela, mais je n'ai pas regardé les détails de ce que c'est, mais de ce que vous avez dit, ça suscite beaucoup d'espoir, et vous pouvez voir mon enthousiasme là-dessus. Merci. Merci à vous, professeur. Afrique Média, le monde, c'est nous.